Ok, bon, excellent. La semaine passée, lors de notre partage, nous avons étudié la prière de Paul dans Colossiens 1er. Et voici ma suggestion. Yann, si tu peux lire pour nous ce que nous avons étudié la semaine passée, on commence en bas de la colonne 1er, où ça dit aussi depuis le jour, jusqu'à étant unis à lui. Dans la deuxième colonne. Peux-tu le relire pour nous? Ensuite, j'ai une question. OK. Ainsi, aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre connaissance au Père, à qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Je continue. Oui. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de ses péchés. Okay. La semaine passée, lorsque nous avons étudié cette prière, on a vu comment Paul et son équipe, et cette équipe est identifiée à la fin du texte, a prié pour l'Église à Colosse. Donc, on a mis l'accent, voici une prière collective. Et on a vu comment, dans notre contexte, c'est un peu contre-culturel, parce que nous sommes tellement, avec bonne raison, on est une société d'individus. Donc, il y a des avantages, mais aussi des désavantages. Et Paul met l'accent sur l'avantage, qu'une communauté prie pour une communauté. Et la semaine passée, on a vu comment nous pouvons prier les uns pour les autres. Et on a vu le contenu, pour ainsi dire, de cette prière. Et lorsqu'on a rendu à la fin de ce texte que Yann nous a lu, on a vu qu'il y avait trois raisons pour lesquelles Paul priait ainsi, et son équipe priait ainsi. Tout d'abord, on a un héritage. Deuxièmement, nous avons une rédemption. Et troisièmement, nous avons le pardon. Donc, ce qui motive notre vie de prière les uns pour les autres, c'est notre héritage, notre rédemption et aussi le pardon. Maintenant, Paul fait quelque chose de très intéressant que nous allons voir ce matin. Paul va maintenant insérer dans le texte un poème. Maintenant, il y a énormément de débats. Est-ce que c'est Paul qui a écrit le poème? Est-ce qu'il a fait simplement un copier-coller? On ne sait pas. Mon avis, c'est que c'est Paul qui l'a écrit, parce que le langage est typiquement Paul. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que pour souligner le contenu et le pourquoi de la prière, Paul met un poème dans le texte. Je dis poème parce que dans le texte original, il y a une structure poétique. On va le lire maintenant. Moïse, peux-tu lire pour nous ce qui suit avec ce fils au milieu de la deuxième colonne jusqu'à la fin du poème avec les mots à verser sur la croix? Donc, écoutez bien, mais pensez à un poème que vous aimez. Allez-y. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils dès le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier homme. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la terre. Je dis poème parce que regardez bien la structure. Dans le parti qui commence « ce Fils » jusqu'à « oui, par lui et pour lui tout a été créé », c'est ça la première partie, la première strophe du poème dans le texte original. Et dans le texte original, ce strophe, il y a 9 lignes. Ça commence avec « qui ?» même si ce n'est pas traduit ici en français. Dans le texte original, le premier strophe, 9 lignes, commence avec un « qui ». Donc, le « qui » fait référence à celui qui a pourvu l'héritage, la rédemption et le pardon. Donc, vous voyez, voici la raison pour laquelle Paul a fait le copier-coller. Strophe B. Dans le texte original, ça dit « et lui » et nous avons « il est lui-même ». Voici le « B ». Et dans le texte original, il y a 2 lignes. Ensuite, « et lui, nous avons, il est lui-même », ça c'est le 3e strophe, 2 lignes. Et ensuite, ça dit « ce Fils », dans le texte original, ça commence avec « qui » et il y a 8 lignes. Donc la structure c'est « A », 9 lignes, « B », 2 lignes, une autre B, 2 lignes, et ensuite un A avec 8 lignes. Donc, c'est une structure poétique parfaite. Qui est votre poète québécois préféré? Plume la traverse. Non, non, c'est pas lui, mais il y en a un. Oui? Michael? OK. Moi, j'aime beaucoup les poèmes d'Émile Nelligan. Vaisseau d'or. Il est facile, mais même cette semaine, Sandy est allé, ben, il est pas, il est plutôt compositeur, mais aussi poète et chansonnier. André Gagnon, il avait un spectacle lundi au Nouveau Place des Arts. Mais que fait ces poètes? Ils nous rappellent de certaines vérités, mais d'une façon mémorable. Il est beaucoup plus facile de nous rappeler d'une vérité, d'un fait historique, d'un événement, via un poème, que simplement de façon rationnelle avec les faits. C'est beaucoup plus imaginé. Et imagé. Et voici ce que Paul fait ici. Il nous rappelle de celui qui a pourvu l'héritage, rédemption et pardon par ce poème avec une structure A, B, B, A. Mais je veux souligner 2 autres choses avant d'étudier le poème. Comptez le nombre de fois dans le poème que le mot « tous », « tout » ou « toutes » est utilisé. Regardez. Il est le premier-né de toute création. C'est en lui qui ont été créées toutes choses. À la fin de A, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Dans le B, il est lui-même bien avant toutes choses. À la fin de la 2e colonne, ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que en toute chose, il aille le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude aille se demeure dans la dernière partie, réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. 8 fois, Paul utilise l'adverbe. Pour ainsi dire, je pense qu'il veut communiquer quelque chose. Et dans le poème, ce Jésus qui a pourvu pour héritage, rédemption et pardon, il est impliqué dans une manière extravagante, d'une façon au-delà de ce qu'on peut penser. Mais implicite dans la structure du poème. Le poème commence avec la création. Ça continue avec la rédemption pour retourner à la création. Et ça nous rappelle de quoi? Ça nous rappelle du récit biblique. Le récit de Dieu. Où est-ce que le récit de Dieu commence? Lors de la création. Malgré la chute, Dieu a pourvu une rédemption pour Israël qui n'a pas abouti à grand chose. Donc Dieu a recréé en Jésus-Christ qui a pourvu une rédemption cosmique. Et où est-ce que le récit de Dieu termine en Apocalypse? Dieu est en train de créer une nouvelle ville, une cité céleste. Donc, le poème met ensemble le récit biblique. Quelque chose qu'on peut faire dans un poème, qu'on ne peut pas simplement faire dans un essai, court essai, ou dans une courte dissertation. Donc, ce matin, nous allons suivre la structure du poème, donc le A, B, B, A, pour souligner que le Dieu de la création n'est nul autre que Jésus. Mais ce Jésus, créateur du monde ou le médiateur de la création, est aussi l'auteur de la nouvelle création. Et chose fascinante, c'est que nous faisons partie de son œuvre. Et nous sommes appelés d'être son peuple. Donc, nous ne sommes pas l'ancien peuple de Dieu. Nous ne sommes pas simplement les gens qui sont pris dans la ville de Colosse. Mais nous sommes le peuple de Dieu dans ce Dieu créateur. Et ce créateur exige la loyauté. Exige un engagement. Exige notre engagement entier. OK. Donc, quatre strophes. Commençons avec le A, qui est neuf lignes. Donc, on lit de ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et invisibles, trône, seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Donc ça, c'est le A. Et qu'est-ce que le A communique? Le A communique que le Dieu de Jésus-Christ, il est le Créateur. Et il est l'image de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est une image? C'est très évident lorsqu'on est en compagnie d'un grand-papa. Parce que qu'est-ce qu'un grand-papa a? Les photos de sa petite-fille. N'est-ce pas? OK. Voici une photo de ma petite-fille. J'en ai d'autres, si vous voulez les voir. Mais ça, le point ici n'est pas de vous montrer ma petite-fille. Mais voici une photo de Saméa. Elle est l'image de sa personne. Ça, ce n'est pas Saméa. OK? Saméa, je l'ai vu ce matin par Skype. OK? Ça, je l'ai vu. Mais ça, c'est l'image. Si j'avais une peinture de Saméa, le tableau serait la ressemblance de Saméa. Ça, c'est son image. Et le texte dit ici que ce Jésus est l'image, si vous voulez, la représentation, la manifestation visible de Dieu à l'humanité. Jésus n'était pas simplement la ressemblance de Dieu. Il était l'image. Maintenant, je sais qu'il y a un petit problème avec mon illustration, parce que Jésus n'était pas la photo. OK, poussez pas mon image trop fort, mon illustration trop loin. Mais le texte dit ici que Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Et une manifestation, une représentation de ce Dieu vivant. Maintenant, regardez le langage que Paul utilise dans le A. Il dit qu'il est le premier-né. Maintenant, beaucoup de personnes, ils capotent. Ils disent, vous voyez, Jésus est né. Mais ça, c'est de mal lire le texte. Parce que cette expression « premier-né » met l'accent dans le mot sur le « premier » et pas « né ». Même dans la confession de foi de notre Église, nous disons que Jésus-Christ est engendré, pas créé, consubstantiel avec Dieu. Cette expression que Jésus est le premier-né, c'est une façon de communiquer la primauté de Jésus-Christ. Ça, c'est une façon de dire qu'il est la représentation parfaite. Et ce Jésus était le Créateur. Et nous voyons tout de suite comment le Nouveau Testament a bien préparé le chemin pour l'Église primitive de développer la doctrine sur la Trinité. Pour dire que Jésus est Dieu, Dieu est Jésus-Christ. Dieu en Jésus-Christ était le Créateur. Mais ce n'était pas n'importe quel Créateur. Parce que regardez ce que Paul dit ici dans le poème. Il est le Créateur sur les choses visible et invisible. Donc, il était le créateur des arbres, mais aussi du monde spirituel. Il est le créateur des trônes, seigneuries, autorités et puissances. C'est une façon de parler des pouvoirs politiques. Et n'importe quel Colossien, en lisant ceci, aurait dit: Jésus est même le Créateur, le souverain sur César, sur les grands Manitous dans notre ville et dans notre société. Il est au-dessus de toute domination, tout pouvoir. Jésus-Christ est au pouvoir. Mais, quand vous voyez le mot « image », de quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vient à l'esprit bibliquement quand vous entendez ce mot « image » ? C'est la création. Et tout de suite, nous voyons comment Paul voulait attirer, si vous voulez, amener ses lecteurs de se rappeler, wow, le récit biblique est enraciné dans la création. Et Jésus était présent dès le début de l'histoire humaine. Mais en même temps, pour les Juifs dans la communauté, le mot « image » faisait référence à la sagesse, Proverbes 8 et 9, parce que la sagesse était là dès le début. Et Dieu était le créateur de la sagesse. Donc, dans le « A », Paul voulait communiquer que ce Jésus est l'image de Dieu. Il est Dieu, il est l'auteur de la création, il est l'auteur de la sagesse. Il est Dieu. Il domine. Donc, ce Jésus, auteur de notre héritage, de notre rédemption, de notre pardon, est là dès le début. Donc ça, c'est le A. Maintenant, le B, le premier B. Deux lignes dans le texte original. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Maintenant, si dans le A, Paul voulait communiquer qu'il est l'image de Dieu, créateur, maintenant, dans le deuxième strophe, le B, Paul veut communiquer qu'il est suprême. Il n'est pas simplement créateur, il est suprême. Maintenant, dans notre ville, qu'est-ce qui est suprême? Le café. On a café suprême. Et qu'est-ce que café suprême, le café, cette marque? Il dit, nous ne sommes pas Van Hout, on n'est pas Starbucks, on n'est pas Second Cup, on est café suprême. Mais Paul, il veut communiquer que ce Jésus qui est l'image de Dieu, le Créateur, regardez ce qu'il dit ici. Il est lui-même bien avant toute chose. Et regardez, tout subsiste en lui. Tout subsiste. Tout a sa vie. Tout a ses racines. Tout a son fondement. Tout est dépendant sur lui. Donc, le B, maintenant, va au-delà du A. Pour dire que ce Créateur, c'est lui qui soutient tout. Imaginez. Pendant la nuit, d'hier soir, endormi, certaines mieux que d'autres. Dieu nous a amenés à travers les ténèbres de la nuit pour nous amener ce matin dans une nouvelle expérience avec son amour, sa présence. Et Dieu maintenant soutient ce qu'il a créé. Qui est une autre façon de dire que tout subsiste en lui. Dieu en Jésus-Christ soutient ce qu'il a créé. Il est suprême. A, B, maintenant, deuxième B. Parce que le deuxième B, c'est encore deux lignes. Dans le texte original, et lui, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Encore deux lignes. Et maintenant, dans le poème, Paul veut communiquer, oui, il est l'image de Dieu, oui, il est suprême, mais maintenant, il est le chef de la nouvelle création. Et pour les Colossiens, qui ont été probablement tiraillés. Certaines tiraillées parce qu'ils avaient quitté le judaïsme. Et comme nous allons voir dans le deuxième chapitre, ils étaient tentés d'être attirés par une vie rigoureuse et de retourner dans les sabbats et dans le respect des lunes d'être obsédés par les rites judaïsantes sur la bouffe. D'autres, les non-juifs, étaient influencés probablement par toutes sortes de philosophies qui couraient dans la ville, peut-être tenté de suivre tel ou tel dieu ou telle déesse. Et maintenant, Paul est en train de dire, non, dans l'Église, nous sommes une nouvelle création. Et notre chef n'est pas les œuvres de la loi de l'Ancien Testament. Notre chef n'est pas et les dieux et les déesses qui font la concurrence pour notre loyauté dans la ville. Notre chef, c'est celui qui est le Créateur. Nous sommes une nouvelle création. Et celui qui a créé, celui qui est suprême, il a reconstitué son peuple. Il a créé un nouveau peuple, une nouvelle création. Et tout à coup, ceux qui lisent le poème vont dire, ou aller dire, « Hé, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une nouvelle création dans celui qui est le Créateur. » A. B. B. Maintenant, le A. Et cette fois-ci, c'est 8 lignes. Relisons-le. Qui, OK, dans le texte original, qui, donc nous avons le reflet du le premier A. Ce fils est le commencement, même mot maintenant, premier-né de tous ceux qui sont morts. Afin que toute chose, en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude aille sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. En instaurant la paix et par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc ce Jésus qui est l'image de Dieu, le premier-né. Ce Jésus qui est suprême, ce Jésus qui est le chef de la nouvelle création, ce Jésus, il est le commencement. Il est, pour ainsi dire, le A, ou en grec, le Alpha. Il est le numéro 1. Le texte ici, dans la première partie, il est le commencement. Le mot ici, c'est le mot arché, qui est aussi... Oups, ça bouge trop. Voilà. L'oreille est trop petite. Voilà, OK. Il est le arché. Il est le commencement. Mais il n'est pas dans le commencement dans le sens simplement du numéro 1 ou le A. Ou le Alpha. Il est le commencement dans le sens, il est celui qui vaut le prix. Qui est digne de louange. Qui est digne de respect. Qui est digne de loyauté. Et, pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette semaine, j'ai dû prendre un taxi du centre-ville à l'aéroport parce que j'étais à New York toute la semaine. Et providentiellement, le chauffeur du taxi est un Marocain d'origine berbère qui habite Montréal depuis longtemps. Donc, un musulman. Et évidemment, avec toutes les nouvelles qui circulent, pas simplement dans notre ville, mais dans le monde entier, qu'est-ce qu'on a discuté? Ces vidéos hallucinantes, abasourdissantes, horribles, qui ont circulé contre le prophète Mohammed. Et donc, on a commencé de discuter, on a commencé notre discussion en discutant le profond malaise que j'ai concernant les non-musulmans qui représentent le prophète Mohammed de cette façon. Et lui, il a communiqué sa profonde désapprobation de la violence qui a eu lieu dans certaines grandes villes arabes, pas simplement arabes, même en Indonésie, donc musulmans, contre les non-musulmans. Et de fil en aiguille, on a discuté Mohammed et on a discuté Jésus. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, avez-vous jamais lu les textes qui parlent de Jésus? Il a dit, non, j'ai lu simplement ce que le Coran dit sur Jésus. Et Jésus est bien représenté, bien présenté dans le Coran. Mais dans le Coran, le Jésus présenté, il n'est pas mort sur la croix et il ne s'est pas ressuscité d'entre les morts. Donc, j'ai dit, est-ce que vous voulez avoir une copie du Nouveau Testament pour voir comment les chrétiens voient Jésus? Il dit, absolument. Donc, il vient demain à mon bureau pour chercher un Nouveau Testament. Qu'est-ce qui distingue ce Jésus qui est le commencement? Il s'est ressuscité d'entre les morts. C'est sa résurrection qui fait de lui le arché, le commencement. Il n'est pas n'importe quel autre prophète. Il n'est pas n'importe quel autre grand sage. Il n'est pas simplement un autre fondateur religieux. Non, le clé, c'est sa résurrection. Et si vous n'avez jamais entendu le témoignage de Yann, qu'est-ce qui t'a frappé en étudiant Jésus? Parmi d'autres choses? Je me souviens, quand tu m'as raconté ton témoignage, c'était la résurrection qui était tellement différente. Donc, ce Jésus, il est tout d'abord celui qui vaut le prix. Il s'est ressuscité d'entre les morts. Le texte dit aussi dans le deuxième A, tout est résumé en lui. Imaginez, tout. À son accomplissement en Jésus-Christ. Mais regardez ce que le texte dit. Et il a voulu réconcilier avec lui-même nos vies. Pas uniquement. Dans sa résurrection d'entre les morts, il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Donc, quand le texte dit, dans le deuxième A, il est le commencement. Paul voulait communiquer que celui qui vaut le prix, qui vaut la loyauté, notre loyauté, il est celui qui a fermé la boucle sur l'histoire. Et il a voulu réconcilier nos vies, nos villes, nos quartiers, l'histoire, le cosmos. Et pour cette raison, il est le commencement. Donc, les Colossiens, Paul les invite de prier les uns pour les autres. Et il dit, il y a trois raisons pour lesquelles on va prier les uns pour les autres. Nous avons un héritage, nous avons la rédemption, nous avons le pardon. Et les Colossiens qui se trouvent peut-être dans le salon de Philémon ou dans le salon de Nympha qu'on a vu lorsqu'on a lu le texte, ils ont dit, ah oui, ok, on va prier les uns pour les autres. Et Paul dit, time out. Celui qui pourvoit pour la prière, il est l'image de Dieu. Il est Dieu. Il est suprême. Il est le chef de la nouvelle création. Et en plus, il est le commencement et le fin. Il est le A et le Z. Il est Alpha et Omega. Il est le numéro un et il est tout. Et Paul dit, si vous voulez prier, voici à qui on prie. Dans mes notes, j'ai dit, ok, quelle différence est-ce que ça fait? Je me semble que ça fait deux différences. Tout d'abord, dans nos vies, ça veut dire que Jésus est Seigneur. Pas simplement sauveur, il est Seigneur. Il exige notre loyauté. Et il est tellement facile de prêter notre allégeance à toutes sortes de causes aujourd'hui. Mais ce texte nous rappelle, non, il faut prêter allégeance à celui qui est l'image de Dieu, suprême, le chef de la nouvelle création est celui qui vaut notre loyauté. En prête allégeance, en prête notre loyauté à celui qui veut être Seigneur, pas simplement de nos vies, mais il est Seigneur de tout. Qui veut dire, deuxièmement, que ce texte nous invite de ne pas penser que Jésus n'est pas en contrôle. De dire, oh, pauvre nous. Oh, on est tellement petit. Oh, pauvre Jésus, on ne sait pas s'il va gagner aujourd'hui. d'être découragé. Non, ce poème nous rappelle que Jésus est roi. Il n'y a pas de dualité, il y a juste une unicité. Et Jésus est roi. Et peut-être ce matin, vous faites face aux grandes difficultés. Peut-être vous faites face au dilemme. Peut-être il y a des choses qui traitent dans votre cœur, qui vous disent « Ah! Mais ce poème lui rappelle que Jésus est Seigneur. Et on prie à lui, pas simplement pour nous faire du bien, même si la prière nous fait du bien, mais on prie, on lui parle, on se rassemble ensemble, parce que nous avons prêté allégeance à celui qui est avant tout. Et il désire notre loyauté en tout. Donc, ce matin, on n'a pas chanté beaucoup à haute voix, mais nous pouvons louer Dieu pour qui il est. Et moi, j'allais suggérer en conclusion ce matin que on dit merci à Jésus pour ce qui se trouve dans le texte. Donc, prenons 2-3 minutes en conclusion et juste à haute voix, remercions Dieu d'avoir envoyé Jésus. Et ces vérités ne sont pas les vérités d'il y a 2000 ans, c'est les vérités pour aujourd'hui. Donc, louons Dieu à haute voix pour ce texte. Donc, prions.